Alors, je m'en vais rejoindre M. Pierre Mercure, qui est enseignant au collégial. Il participe à une activité syndicale qui s'appelle Opération Dérangement 21. C'est son syndicat de la FNEC-CSN, qui regroupe 85% des étudiants et étudiantes du collégial et de l'université. Et puis, en ce moment, il est en train En ce moment, le gouvernement est en train de négocier avec les profs pour au sujet de leur salaire. Alors, on va aller voir exactement là, de quoi il en retourne. Pierre Mercure est en train de faire une vigie itinérante. Il se promène entre l'Assemblée nationale, le Complexe G et les bureaux de Radio-Canada pour justement participer aux moyens de pression entourant les négociations avec le gouvernement. Donc, on va aller voir ce que Pierre Mercure a à dire. C'est bon. Donc, je suis en compagnie de Pierre Mercure. Donc, pour vous le décrire un peu, là, en ce moment, aujourd'hui, mardi, il est devant Radio-Canada. Il est assis sur une chaise pliante. Il y a une espèce de pancarte qui est marquée « Opération Dérangement 21, FNEC CSN ». Donc, Pierre Mercure, il est habillé chaudement. Là, il fait pas chaud aujourd'hui. Il est habillé de son manteau puis d'une calotte. Alors, dites-moi, M. Mercure. Bonjour, M. Mercure. Bonjour, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? En fait, je suis dans ma sixième semaine d'un sit-in que je fais à tous les matins pour une heure en fonction d'un dossier qu'on appelle de relativité salariale. En fait, les professeurs de cégep sont déclassés par le Conseil du Trésor sous la barre des professeurs du secondaire et du primaire. Alors, nous, on fait une revendication pour un classement plus équitable. Il y a eu un dossier d'équité salariale il y a quelques temps de ça qui a reclassé les professeurs, les jobs féminines, les jobs où il y a des femmes, les jobs où il y a des hommes. Il y a eu un classement pour remettre ça en termes d'équité. Et après ça, un dossier de relativité salariale où les classes mixtes, où les professeurs, par exemple, il y a autant d'hommes que de femmes, ont été reclassés en fonction de cette même grille-là dans le secteur public. Et nous, on a été classés, classement 21, sous le classement des professeurs qui sont au secondaire, au 22. Alors, l'impact, c'est grosso modo un 5 % de différence salariale. OK. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec... je pense qu'il y a quelques semaines, quelques jours, le ministre du Conseil du Trésor, il disait... En fait, il y avait des rumeurs comme quoi il ne reconnaîtrait plus les doctorats puis certains niveaux de scolarité. Alors, ça, il a dit non, c'est pas vrai. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est un autre aspect de la question. Le Conseil du Trésor ne reconnaît plus, ne veut pas reconnaître la maîtrise et le doctorat dans ce classement-là. Ensuite, ils ne veulent pas reconnaître aussi le travail qu'on fait dans son ensemble. Professeurs de cégep, disent-ils, ils considèrent qu'ils ne font que préparer, donner et corriger, donner des cours et corriger. Alors, tandis que c'est beaucoup plus que ça, l'enseignement au cégep. Mais qu'est-ce que vous pensez du ministre qui dit que c'est pas vrai? En fait, le ministre, quand il dit que c'est pas vrai, c'est ce qu'il dit dans les médias, mais en même temps, à la table de négociation du Conseil du Trésor et de la CSN, on nous dit très clairement qu'on ne prendra plus en compte les échelons maîtrise doctorat. Quand on est considéré à l'enseignement supérieur, qu'on fait la promotion de l'enseignement supérieur, ils ne veulent plus reconnaître. Mais c'est ce qui se dit à la table. Alors, si le ministre dit ça, qu'il fasse transmettre l'information à sa table de négociation. Mais comment il peut justement dire une chose sur la table, puis après ça dire « Non, c'est pas ça que j'ai dit devant le public. » Je vais platement vous dire qu'il faudrait lui demander à lui, parce que il dit qu'on fait de la désinformation, mais dans les faits, quand on s'assoit à la table de négociation, c'est l'information qu'on a. On leur a dit, si vous nous mettez à un classement 21, c'est clair que vous aurez beaucoup d'insatisfaction. De notre point de vue, c'est une attaque du réseau collégial, parce qu'on est le seul groupe dans l'ensemble de la démarche d'équité et de relativité salariale, on est le seul groupe qui a été déclassé. Donc, nous, on considère que c'est une attaque à l'enseignement collégial, c'est une attaque à l'enseignement de façon plus générale, mais le ministre dit il n'y aura pas de coupure salariale, mais il ne dit pas qu'il n'y aura pas non plus des augmentations En fait, ce qu'on pense, nous, c'est qu'ils ne nous augmenteront pas tant et aussi longtemps qu'on n'atteindra pas l'échelon qu'ils souhaitent qu'on ait. Alors, voilà. Donc, vous, ça fait 6 semaines que vous faites ça. Donc, vous faites beau temps, mauvais temps, chaque jour de la semaine. Comme ça, vous faites une heure, une vigie devant un lieu oui, public. Mais aujourd'hui, pourquoi la Radio-Canada? Bien, on s'est dit qu'on allait... je l'ai fait pendant 4 semaines de manière fixe. Et là, on s'est dit on va se mettre à faire circuler cette démarche-là de manière à être vu un peu partout. Et on s'est dit, bien, pourquoi pas Radio-Canada? Après ça, on ira peut-être dans d'autres médias, éventuellement se faire voir, TVA, tout ça. L'idée, c'était d'espérer peut-être une visibilité, d'être entendu, d'avoir des entrevues. Et dites-moi, M. Mercure, là, parlez-moi un peu de vous. Là. Vous êtes enseignant. Quelle matière vous enseignez? J'enseigne la philosophie depuis déjà une vingtaine d'années. Au Cégep Garneau? Cégep Garneau, oui. Puis comment ça va, l'enseignement de la philosophie? Est-ce que ça, vous avez le sentiment que l'enseignement au Québec, ça va bien de ce côté-là? Bien, écoutez, l'enseignement, moi, comme je le vis, en tout cas, les étudiants aiment beaucoup la philosophie. Bien sûr, ça dépend de la façon que ça leur est présenté. Ils sont très intéressés, même si au départ, il y a des réticences. L'éducation se porte bien. On a toujours des attaques contre le réseau collégial, bon an, mal an, aux 10 ans. Mais c'est un réseau qui est efficace, c'est un réseau qui fait une belle formation. Alors moi, je suis convaincu là, que le travail qu'on fait est apprécié et est important. Il y a toutes sortes de critiques par rapport au système collégial. Notamment, on dit par exemple que il y a beaucoup de les enseignants, il y a un problème de précarité avec les enseignants. Est-ce que c'est quelque chose qui est adressé dans l'opération dérangement, dans vos revendications? Est-ce que la question de la précarité des profs, est-ce que c'est dans vos revendications? Bien, écoutez, la précarité est un des aspects, mais c'est aussi la rétention et aussi, je dirais, l'intérêt pour que les gens viennent enseigner. Ça me nuise quand, à quelque part, on a des situations où, à quelque part, on méprise le travail qui est fait. Nous, on considère vraiment que c'est du mépris de nous classer là. On demande une négociation la plus honnête possible, une discussion la plus honnête possible autour de ça. Et c'est sûr que, globalement, on commence même à avoir des difficultés de recrutement dans certains secteurs techniques où le privé offre des conditions plus favorables. Et donc, les gens ne viennent pas. Ils arrivent dans certains endroits du Québec où on n'arrive pas à donner des cours parce qu'on n'a pas de professeur pour le faire, parce que l'attrait de venir dans l'enseignement avec les conditions de travail qu'on a présentement, à la fois salariales, mais aussi la tâche très, très, très importante qu'on peut avoir, une surtâche, bien là, ça attire. C'est des problèmes de rétention, des problèmes de recrutement qui sont plus en lien avec la démarche qu'on fait. Parlons un peu de philosophie. Donc, j'imagine que la philosophie, ça nous interroge sur le monde, ça nous questionne, ça permet peut-être mieux de comprendre le monde. C'est qui vos auteurs préférés dans la philo? Oh mon Dieu! Là, évidemment, ça n'a pas de lien avec la démarche que je suis en train de faire. Mais moi, mes auteurs préférés en philo, je ne fonctionne pas beaucoup par auteur plutôt que par thématique. J'enseigne le premier cours de philosophie où, à quelque part, on travaille autour de mieux se connaître soi-même. C'est sûr, là, les Socrates, les Aristote, Machiavel, bien sûr, Platon. Les auteurs grecs qu'on doit voir dans cette période-là, aussi Épicure, un paquet d'auteurs qui sont plus là pour servir l'idée d'une réflexion sur les raisons de ma présence dans le monde, puis comment j'articule ma pensée. Est-ce que vous trouvez qu'on réfléchit à ça au Québec, là, comment justement, où est notre place dans le monde, puis comment on doit articuler notre pensée? Il y a toujours de la place pour mieux faire, là, c'est clair. Je veux dire, il faut... La philosophie, je vous répète, est assez bien accueillie par les étudiants. Mais évidemment, il n'y a que les étudiants de cégep qui ont accès à ça. Quoique qu'on commence éventuellement à donner davantage dans les cours d'éthique un volet philosophique au secondaire. Mais oui, c'est important de développer. Il y a de la place en masse pour ça. Et parlez-moi un peu de vos étudiants, étudiantes. Bon, on dit les élèves de la réforme sont différents des anciens. On dit c'est pas toujours facile l'adaptation, cégep, tatata. Vous êtes au première année, cégep. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vos étudiants sont allumés ou au contraire sont endormis? Ben, en tout cas, moi, je suis pas devant des étudiants endormis. C'est sûr qu'il faut les stimuler, il faut travailler là-dessus. La qualité de la langue n'est pas si mauvaise que ça. C'est ce que moi, je constate. La capacité d'expression verbale, à mon avis, est moins bonne qu'à une certaine époque. Ça se travaille. Mais je ne suis pas devant des étudiants, je ne suis pas devant des générations. Je ne trouve pas que la réforme a amené des changements si décevants. C'est sûr qu'il faut travailler davantage la culture générale, développer davantage l'intérêt pour la connaissance et tout ça. Il y a de l'ouvrage à faire. Mais moi, en tout cas, moi, je ne suis pas cynique du tout par rapport à ça. Et est-ce que ces étudiants et étudiantes-là vont être prêts là, à appréhender le monde qui est devant eux? Est-ce qu'ils vont être outillés justement à résister peut-être au recul que le patronat fait subir aux travailleurs et travailleuses? Moi, je pense que l'enseignement qui est donné au cégep est adéquat pour ça. L'enseignement de la philo est sûrement aidant. C'est sûr qu'on s'adresse à un petit nombre d'étudiants. Vous savez qu'il y a quelques années, on a perdu un des cours de philosophie. Là, il est question d'un cours d'histoire qui va peut-être toucher la formation générale. À mon avis, il ne faudrait pas réduire ce qui se fait déjà, parce que c'est des outils très utiles. On pourrait faire davantage. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on pourrait faire davantage, mais la base qui est donnée là est une base solide, adéquate. Là, Pierre Mercure, justement, il y a une réforme là, du cours d'histoire. Bon, vous êtes en philo, peut-être que ça va moins vous toucher, mais vous venez d'en parler. Là, ça me laisse l'opportunité de vous en parler. Il y a des gens qui dénoncent cette réforme de l'histoire-là en disant que ça va être c'est une approche idéologique. Vous, vous en pensez quoi? Bien, en fait, c'est difficile de se prononcer pour le moment parce que il y a beaucoup de discussions qui sont en cours. Et le sentiment qu'on a, en tout cas, moi, je vais vous dire, là, bien honnêtement, et ça n'engage que ma réflexion très personnelle par rapport à ça, le sentiment que j'en ai, c'est qu'on est en train d'essayer de faire un cours qui va être plutôt un cours qui va servir les collèges à gérer les tâches, à gérer les professeurs qui manquent de tâches et tout ça. Et ça me semble pour le moment, mais on n'a pas beaucoup d'informations, quelque chose qui se veut un peu fourre-tout. On a des inquiétudes. On a hâte de voir les devis. On a hâte de pouvoir voir ces devis-là pour pouvoir y réagir. Mais pour le moment, très peu d'informations. Ça ne permet pas d'aller plus loin que ça. Puis là, donc, opération dérangement 21, ça fait 6 semaines que vous faites ça. Jusqu'à quand ça va continuer? Bien, en fait, jusqu'à satisfaction éventuellement de nos revendications et de nos espoirs, jusqu'à ce qu'on ait des nouvelles claires. Pour le moment, on est particulièrement déçus. Moi, en tout cas, je suis déçu du silence du Conseil du Trésor. Bien sûr, Monsieur Bédard est intervenu dans le dossier, mais moi, je trouve de manière un peu confrontante, plutôt que dire qu'on fait de la désinformation, j'aimerais bien mieux qu'on s'assoie et qu'on discute sérieusement. Éventuellement, le ministre de l'Enseignement supérieur, qu'on n'entend pas. Alors, comment ça qu'on l'entend pas? C'est Pierre Duchesne? Pourquoi on l'entend pas? On l'entend pas sur ce sujet-là. On aimerait bien ça qu'il se prononce, éventuellement. Alors, on fait les pressions qu'il faut. On est dans l'espoir que bientôt, peut-être... Il y a des discussions avec le Conseil du Trésor, c'est ce qu'on sait. Maintenant, rien de très clair, rien de très précis. Alors, tant que c'est pas plus précis, on va continuer à se faire valoir. Et les négociations en ce moment, ça peut continuer jusqu'à... Il n'y a pas de date prévue de fin, là. Bien, on a normalement cette semaine ou la semaine prochaine, il y aura des annonces qui vont être faites en principe. C'est ce qu'on nous a dit du Conseil du Trésor. Est-ce que ce sera satisfaisant? Est-ce que ce sera... Bon, est-ce que le Conseil du Trésor est en train d'attendre qu'on rentre dans une situation de négociation? Parce qu'on est bientôt en négociation. On préférerait régler, nous, c'est clair, avant la prochaine négociation. Bien, merci, Pierre. Ça me fait plaisir.